modèle cosmologique standard a ceci de particulier qu'il est incroyablement robuste avec très peu de paramètres. Il explique une écrasante majorité des observations de l'univers, mais pour ce faire, il impose ce que l'on pourrait considérer comme un petit sacrifice, voire un sacrifice important. Plus de 90% de la composition de l'univers nous est inconnue. Et notamment, plus d'un quart de sa masse, appelée masse manquante, masse sombre ou encore matière noire. Mais serait-il possible de comprendre l'univers sans cette masse manquante? Une théorie apparue dans les années 80 propose une alternative à l'existence de la matière noire, c'est la théorie monde. Matière noire, la fin du monde, c'est le programme obscur qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tenter de comprendre cette théorie monde et d'envisager un univers qui pourrait donc fonctionner sans matière noire et peut-être même sans énergie noire, qui sait, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Benoît Famet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche CNRS à l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Et Gabriel Chardin, bonjour. Bonjour. Physicien, directeur de recherche CNRS au laboratoire Astroparticules et Cosmologie à l'Université de Paris. Également récompensé, notons-le, en 2007 par la médaille d'argent du CNRS pour vos travaux précisément sur la matière noire. Ça tombe bien. Mais on commence par le côté lumineux de l'actualité scientifique avec la non moins solaire Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Nature Medicine et des résultats prometteurs d'un essai clinique pour un vaccin anti-mélanome. Une équipe américaine a créé le Neovax, un vaccin personnalisé capable de lutter contre le mélanome, l'une des formes les plus graves de cancer de la peau. Dans cet essai clinique, 8 patients atteints d'un mélanome de stade 3 et à haut risque de récidive ont reçu ce traitement. 4 ans après l'injection, tous ont survécu à la période d'essai et 6 d'entre eux n'ont pas eu de récidive. Alors Neovax est un vaccin spécialement conçu pour chaque patient. Il cible les néo-antigènes présents à la surface des cellules tumorales et il contient des parties de ces néo-antigènes, des épitopes, qui déclenchent la réponse immunitaire. Ce vaccin est fabriqué sur mesure. La séquence d'ADN dans la tumeur d'un patient est analysée pour la composition de ces épitopes. Et une fois injectées, les cellules T dans le corps reconnaissent les néo-antigènes, s'en souviennent et empêchent le développement du mélanome. Alors certes, l'étude a ses limites, c'est une cohorte minuscule, mais ces résultats montrent que des vaccins personnalisés peuvent fournir une immunité durable contre certains cancers. Et on retrouve évidemment cette étude ainsi que toutes les études du Journal des Sciences sur notre fil Twitter ainsi que sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue Science à Manaus, il semblerait que l'épidémie de Covid-19 ne provoque pas d'immunité collective. Oui, attention, cette étude parle d'immunité naturelle et non pas celle acquise grâce à la vaccination. On considère que l'immunité de groupe pourrait être atteinte une fois qu'une grande majorité de la population a été infectée par un virus. En mai 2020, à Manaus, au nord du Brésil, l'épidémie a culminé avec des hôpitaux et des cimetières débordés. La région a enregistré l'un des pires taux de mortalité d'Amérique centrale et du Sud. Et en octobre, on estimait que 76% de ses habitants avaient contracté le Covid-19. Et pourtant, ces hôpitaux sont à nouveau sous pression. Cela laisse présumer que l'immunité collective n'a pas été atteinte. Dans cette étude, les chercheurs américains n'apportent pas de réponse, mais selon eux, les événements à Manaus prouve que la stratégie de l'immunité collective représente un très fort coût humain. Une étude parue dans la revue PNAS décrit la découverte de 300 nouvelles formes de vie à l'intérieur d'un volcan sous-marin. Et dans le volcan Brothers, au nord de la Nouvelle-Zélande, dans les eaux profondes de l'océan Pacifique, une équipe américaine a identifié des centaines de types d'organismes microbiens et bactériens jamais vus auparavant. Des bactéries extrémophiles qui vivent dans des environnements considérés comme inadaptés pour le vivant. Ces monts hydrothermants actif et très chaud, crache du magma et de l'eau acide. Cette découverte vient confirmer l'hypothèse que l'origine de la vie sur Terre pourrait provenir de ces geysers sous-marins. Et enfin, selon une étude parue dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, il pourrait y avoir des trous noirs supermassifs extrêmement grands. Oui, dans la famille des trous noirs, il existe une large gamme de masses. Il y a ceux de masse stellaire, il y a les supermassifs, puis les trous noirs intermédiaires, et les minuscules et hypothétiques micro-trous noirs. Trois astrophysiciens européens suggèrent que des trous noirs supermassifs incroyablement grands pourraient exister. Des stupendously large black holes, des slabs. Des slabs, plus grands encore que des galaxies. Alors selon eux, les slabs pourraient être primordiaux et s'être formés dans l'univers primitif avant les galaxies, et ils pourraient exister dans un espace intergalactique. Alors ce n'est qu'une hypothèse, nous n'avons aucune preuve de leur existence, mais leur taille irait de la taille de la Voie lactée à 1 million de fois la taille de notre galaxie. La transition est parfaite pour notre émission du jour, puisque nous avons justement parlé de galaxies et d'extrêmement grandes distances pour parler de la théorie monde. Merci beaucoup Natacha, en tout cas on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Et donc, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le modèle cosmologique standard est très largement accepté par une vaste, si on ne peut pas dire écrasante majorité de chercheuses et de chercheurs de la communauté astrophysique, mais ce n'est pas pour autant que nombre d'entre elles et eux ne s'échinent pas à l'attaquer de toutes parts, ce modèle cosmologique standard. C'est pas pour autant qu'ils n'essayent pas de le démonter, de le réduire en pièces, voire de proposer des modèles alternatifs. C'est le cas donc de cette théorie dite monde, monde pour Modification of the Newtonian Dynamic, la modification de la dynamique newtonienne, une théorie que nous allons bien sûr vous expliquer pas à pas au cours de cette heure, mais qui, pour le dire vite, consiste à modifier les lois de la gravité à très large échelle, avec l'introduction notamment d'une nouvelle constante universelle d'accélération. On va reparler de tout ça, mais tout ça pour vous dire que cette théorie a donc été développée par le physicien Mordechai Milgrom au début des années 80. Elle a été vertement attaquée, mais malgré 40 ans de coups de boutoir et des impasses que certains estiment pourtant indépassables, eh bien elle tient encore debout et n'a pas dit son dernier mot. Écoutez ce qu'en dit un autre physicien qui est également un artisan de cette théorie monde, Stacy McGough. Nous sommes dans un TEDx en 2016. Je me heurtais à ce problème lorsque j'ai rencontré ce type-là, un physicien israélien intéressé par les courbes de rotation plate. Il s'est dit, bon sang, ça n'est peut-être pas la matière noire. Peut-être qu'il faut qu'on torde le principe de force pour changer la loi de la gravité juste un tout petit peu. Et ce qu'il suggérait, c'est de faire ça à une échelle d'accélération particulière. La première chose à laquelle on a pensé, c'est que les galaxies sont bien plus grandes que le système solaire, où, pour le coup, la relativité générale et les lois de Newton peuvent être très bien testées. Mais la taille n'est pas le concept clé pour les galaxies. Ce qui compte, c'est l'accélération. Et cette accélération centripète qui maintient les étoiles dans leur orbite est petite du point de vue d'un standard humain. Elle est d'environ 1 angstrom par seconde au carré, à une échelle presque atomique. C'est 1/10 de ce qu'on ressent en étant assis dans cette salle, donc une toute petite accélération. Là où j'ai été très impressionné, c'est qu'il a dit des choses qui expliquaient ce que je constatais. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse plus de recherches, et c'est là que j'ai lu son papier. J'ai été épaté de lire une phrase qui disait que ces galaxies à faible brillance de surface constituent un échantillon important pour des tests. C'est ce que je faisais. Je regardais ce type de galaxies parce que j'étais intéressé par leur fonctionnement, pas pour tester cette théorie. C'était donc accidentel si je me retrouvais à réaliser la bonne expérience pour tester cette théorie qu'il proposait. Voilà, Stacy McGough qui raconte un peu la découverte du papier de Mordechai Milgrom au début des années 80, c'était en 83, et donc pose les fondements de cette théorie monde. Alors il y a beaucoup de choses que vous venez d'entendre que nous allons prendre le temps d'expliciter, tout ça peut avoir l'air un peu touffu comme ça de prime abord, mais j'aimerais entendre mes deux invités du jour sur cette archive, sur ce que vous venez d'entendre, sur ces propos de Stacy McGough sur lesquels on reviendra plus tard. Benoît Famet. Oui, alors effectivement, cet extrait résume toute la force et la résilience en fait de ce paradigme qui a été proposé au début des années 80 par Mordechai Milgrom, qui est que le paradigme reproduit extrêmement bien les propriétés cinématiques, dynamiques des galaxies qui sont observées. Et il avait prédit des comportements, notamment de ces fameuses courbes de rotation des galaxies à faible brillance de surface, sur des galaxies qui n'étaient pas encore observées à l'époque où la prédiction avait été faite. Et donc c'est un des succès de cette théorie qui marche extrêmement bien à l'échelle des galaxies, qui est d'expliquer la forme des courbes de rotation des galaxies à faible brillance de surface uniquement à partir de la distribution de la matière visible dans ces galaxies. Voilà, on va réexpliquer tout ça en détail. Un mot peut-être, Gabriel Chardin, sur l'origine de cette théorie monde au début des années 80. Pourquoi est-ce que Mordell-Milgrom cherche à contourner cette problématique de la matière noire? Probablement parce qu'il est gêné par le fait de faire appel à une matière nouvelle, non observée, et le problème s'est renforcé depuis, disons. Parce que, en plus de la matière noire, donc on sait depuis la fin des années 90 qu'il faut en plus trois fois plus d'énergie noire, de gravité répulsive. Et donc là, ça devient quand même assez inélégant, quoi. 95% de l'univers inobservé, c'est pas extraordinairement intéressant. Après, comme vous l'avez dit, le modèle standard marche bien, mais c'est très intéressant d'aller tester la théorie dans des coins où on l'a pas regardé. Votre traducteur a dit tout à l'heure que les zones de gravité, l'intensité de gravité que l'on testait dans la théorie de monde était le dixième de la gravité quand on est assis dans cette pièce. Eh bien non, c'est le 100 milliardième. Oui, c'est ça, c'est beaucoup, beaucoup moins. C'est très très important, effectivement. C'est une petite erreur de traduction. Voilà. Mais donc, ça se trouve dans quelques mètres cubes perdus dans l'environnement de la Terre. C'est très très difficile à trouver. On va revenir là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que cette théorie monde, donc qui propose d'expliquer ou de, en tout cas de changer l'approche du modèle standard de la cosmologie en contournant le problème de la masse manquante de la matière noire, elle a été très attaquée. Elle a été attaquée, et on va en reparler notamment du fait que elle met à mal le principe d'équivalence d'Einstein, qui lui a été testé avec des échelles de précision extrêmement fines. Est toujours pour le moment confirmé, donc on reviendra de tout ça. Et pourtant, Jean-Marc Bonnet-Bidot, qu'on a reçu ici, dit ceci de la théorie monde que je voudrais vous soumettre. C'est passionnant, cette idée monde, défendue par une poignée de chercheurs critiqués depuis presque 40 ans et qui tient bon, tandis que la recherche de matière noire est totalement en échec depuis tout ce temps et malgré des efforts démesurés. Cet aspect de sociologie des sciences est très emblématique de la recherche moderne. Qu'en pensez-vous, Benoît Famé? C'est une excellente citation. évidemment, si les choses étaient si simples, c'est-à-dire si monde expliquait l'entièreté des observations depuis l'échelle des galaxies jusqu'aux échelles cosmologiques, la communauté scientifique, il n'y a pas de cabale contre monde, elle serait évidemment tout de suite convaincue. Le fait est que monde marche très bien à une échelle donnée, qui est l'échelle des galaxies, et elle marche étonnamment bien à une échelle où on a effectivement pas encore découvert la matière noire, qu'on découvre peut-être jamais si elle n'existe pas. Par contre, cette théorie monde appliquée à des échelles plus grandes que l'échelle des galaxies se heurte à un certain nombre de problèmes observationnels. Elle ne marche pas à l'échelle des amas de galaxies, tout simplement parce que l'accélération au centre des amas de galaxies est plus importante que cette fameuse constante d'accélération dont vous parliez tout à l'heure. Et pourtant, on a quand même besoin de matière noire à cette échelle. Et il est compliqué d'expliquer des observations cosmologiques, sur lesquelles on reviendra sans doute par la suite, comme les fluctuations observées dans le fond diffus cosmologique. On reparlera évidemment de ça tout à l'heure. Gabriel Chardin, un mot sur cette citation de Jean-Marc Bonnet-Bidot. Je connais bien Jean-Marc parce qu'on a écrit un article ensemble qui avait fait pas mal de dégâts dans la communauté qu'on traitait. Et c'est effectivement tout à fait son esprit de remettre en question. Et il ne s'agit pas juste de suivre une théorie, il faut vraiment, et vous l'avez dit au début de l'émission, critiquer, essayer de mettre en pièces pour être vraiment sûr de ce qu'on trouve. Et de ce point de vue-là, monde, c'est vraiment une idée, ça montre sa force, effectivement. Hein. Si depuis 37 ans, elle est là, c'est qu'il y a quand même, c'est une alternative très intéressante. et on va essayer de bien comprendre ce qu'est cette alternative, d'où elle tire cette robustesse et quelles en sont aussi, et bien certainement, ses limites. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 4h15, nous parlons donc de la théorie monde en compagnie de Benoît Famet et de Gabriel Chardin pour bien comprendre cette théorie monde donc qui propose de ne pas considérer la masse manquante de l'univers comme de la matière noire, hein, comme ces 25% de matière qui manque au modèle standard de la cosmologie. Peut-être il faut reposer les bases de l'établissement de ce modèle standard de la cosmologie et de l'apparition de cette matière noire. Gabriel Chardin, qu'est-ce que c'est que la matière noire ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces 25% de masse de l'univers qu'on ne voit pas pour que les équations fonctionnent et que nos compréhensions de la cosmologie soient solides et tiennent debout ? Donc c'est un vieux problème encore plus vieux que monde, hein, parce que dès les années 30, il y avait Fritz Zwicky qui avait remarqué que dans l'amas de Coma, le cluster de Coma Cluster, il y avait les objets qui orbitaient les uns autour des autres avaient l'air, selon ses calculs, d'avoir besoin 200 fois plus de masse, donc un facteur énorme, par rapport à ce qu'on voyait de façon lumineuse, comme dans le monde. Et donc, comme il était assez cinglant, Zwicky, ça a été considéré un peu oublié, et puis donc ça a été reposé la question à la fin des années 70 avec d'une part le travail de Vera Rubin qu'on cite beaucoup, mais aussi le travail d'Albert Bosma et puis de leurs collaborateurs qui est sur les zones lointaines dans des courbes de rotation de galaxies. Il y a des contraintes très fortes qui viennent de la cohérence du modèle, notamment de ce qu'on appelle la nucléosynthèse. La nucléosynthèse, c'est la fabrication qui, dans le modèle standard, prend à peu près 3 minutes, les 3 premières minutes de l'univers de Steve Weinberg, où on fabrique les éléments les plus légers qui vont démarrer l'univers, d'une certaine façon, la chimie de l'univers. Et donc là... L'hydrogène et l'hélium, donc, hein. Essentiellement l'hydrogène même, d'ailleurs. L'hélium, le lithium, le béryllium, voilà, essentiellement l'hydrogène et l'hélium, vous avez raison. Et un petit peu de deutérium aussi. Enfin, les petites poussières sont essentielles pour déclencher la suite. Et là, il y a une contrainte forte. En tout cas, dans le cas du modèle standard, on ne peut pas dépasser 4,5-5% de matière ordinaire par rapport à la densité que l'on appelle critique, c'est-à-dire celle qui délimite la densité qui est nécessaire pour que l'univers s'étende à tout jamais ou au contraire recollapse, c'est-à-dire se réfonde sur lui-même. Et donc, 5% à 100%, c'est quand même une sacrée différence. Ça, c'est une grosse contrainte. Et puis, par ailleurs, donc, entre la matière visible dont on a parlé tout à l'heure et qui apparaît dans le monde, qui est la référence qu'on appelle baryonique, la matière ordinaire, et la matière qui a l'air de devoir être présente de façon dynamique, c'est-à-dire en regardant les courbes de rotation de galaxies, il y a aussi un bon facteur. Alors là, c'est moins clair parce que les données étaient assez imprécises au début, mais un bon facteur 10. Et dans les amas, a priori, beaucoup plus encore. Donc, plutôt un facteur 100. Alors, si on essaie de résumer un peu rapidement pour passer à la suite cette matière noire, cette dark matter, cette matière sombre, cette masse manquante, en tout cas. Ce qu'on peut dire, on vous a mis le lien, puisqu'on avait consacré, Antoine Beauchamp était aux manettes, il avait consacré une émission entière aux travaux de Vera Rubin. On vient de vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Mais ce qu'on peut dire, et je vais vous laisser compléter mon résumé un peu grossier, Benoît Famet, c'est que Vera Rubin observe qu'il y a un problème, en tout cas, disons, gravitationnel dans l'observation des galaxies, c'est-à-dire que, disons, le vite fait, et encore une fois, vous allez préciser et me corriger si nécessaire, les étoiles périphériques tournent plus vite qu'elles ne le devraient, et pour autant, elles restent liées gravitationnellement à la galaxie et ne sont pas expulsées. C'est donc qu'il manque de la masse pour que ce système-là fonctionne. C'est exactement ça. Un bon point pour Martin. On peut faire une analogie en fait avec la dynamique des planètes dans le système solaire. Finalement, dans le système solaire, l'essentiel de la masse, quasiment l'intégralité de la masse du système solaire, est concentrée dans le Soleil. Et la loi de la gravitation universelle de Newton, qui est une très bonne approximation en champ faible de la relativité générale d'Einstein, il y a un petit hiatus en ce qui concerne l'orbite de Mercure. On peut en reparler tout à l'heure. L'accélération gravitationnelle a tendance à tomber comme 1 sur la distance au carré. Hein, c'est la loi de la gravitation universelle de Newton. Maintenant, si toute la masse est concentrée dans le centre du système, et qu'on a des orbites qui sont quasiment circulaires, alors on sait que les orbites des planètes ne sont pas exactement circulaires, mais en première approximation, elles ont une très faible excentricité, on sait que l'accélération centripète, c'est quelque chose qu'on apprend au collège ou au lycée, d'un objet qui est sur une orbite circulaire, ça va être sa vitesse au carré divisée par la distance au centre du cercle sur lequel il orbite. Et donc, si il y a effectivement équilibre entre l'attraction gravitationnelle, si cette accélération centripète est liée à l'attraction gravitationnelle du corps qui est au centre du système, eh bien on a un équilibre entre cette attraction gravitationnelle qui va comme 1 sur la distance au carré, la masse de l'objet de l'objet central divisé par la distance au carré, et cette accélération centripète qui est donc la vitesse au carré divisée par la distance. Et ce qu'on peut en déduire, c'est que la vitesse doit donc décroître, la vitesse circulaire des objets doit décroître comme 1 sur la racine carrée de la distance au centre de l'objet. Alors dans les galaxies, les choses sont un peu plus compliquées, parce qu'il n'y a pas un objet central qui attire toutes les étoiles qui orbitent autour du centre de la galaxie, mais c'est plutôt l'intégrale, si vous voulez, de toute la masse des étoiles qui sont comprises entre le centre de la galaxie et le rayon qu'on observe, qui vont être cette masse centrale. Toujours est-il que dans les galaxies, la distribution de masse est visible, est exponentielle, et donc elle est également très fortement concentrée dans les parties centrales. Donc quand on arrive dans les parties externes de la galaxie, on devrait se retrouver dans une situation à peu près identique à celle du système solaire, et on devrait voir la vitesse de rotation décroître comme 1 sur la racine carrée de la distance. Or, la vitesse de rotation a tendance à rester totalement constante en fonction du rayon, elle est donc beaucoup trop élevée. Gabriel Chardin, peut-être un mot pour compléter ça, c'est-à-dire que le rapport, l'échelle manquante est assez importante, hein, c'est-à-dire qu'on parle de centaines de fois en termes d'échelle de valeur par rapport à ce que la masse prévue de la galaxie aurait dû calculer. Alors, dans les galaxies, c'est pas la centaine de fois, c'est plutôt dans les amas que... D'accord. Et en plus, ça dépend un petit peu des endroits, donc du coup, la situation est assez un petit peu confuse, c'est-à-dire que, en première approximation, il y a besoin partout, soit de matière noire, soit d'une modification de la gravitation par rapport à ce qu'on représente d'habitude, mais de façon assez variable. C'est-à-dire qu'on connaît des galaxies ou des petits amas qui ont l'air de manquer drastiquement de matière ordinaire et d'être composés quasiment exclusivement de matière noire. C'est-à-dire, il y a des exemples où il y a un facteur 200 entre la matière que l'on voit et puis le champ de gravitation qui a l'air de tenir tout ça. Et à l'inverse, on voit des galaxies où on dirait il n'y a pas besoin du tout de matière noire. Alors, bon, on peut trouver toujours des scénarios qui font que la matière noire, par exemple, est éjectée par des rencontres, mais c'est plutôt la matière, composant minoritaire, qu'on aurait tendance à éjecter. Donc, du coup, il y a des tensions et des, disons, un mal à l'aise dans la description du modèle standard. Mais alors, du coup, donc cette matière noire, ou en tout cas, je parle là aussi sous votre contrôle, mais il vaut mieux toujours parler de masse manquante que de matière noire. C'est en général plus correct et mieux accepté. Donc cette masse manquante, on a cherché beaucoup de candidats. Ça a pu être des trous noirs, ça a pu être même finalement des planètes qu'on ne voit pas. Ça a été ensuite des particules. Ça a été beaucoup de choses et ça n'a été surtout que des échecs, Benoît Fahmé. Oui, tout à fait. Donc il y a évidemment une grande imagination chez les physiciens théoriciens pour imaginer quels pourraient être ces candidats à la matière noire. Il y a énormément de propositions qui ont été faites. Et pour l'instant, aucune détection n'a eu lieu. Donc on a pensé à des extensions du modèle standard de physique des particules qui permettraient d'expliquer l'existence de particules qui pourraient représenter 85% donc de la matière dans l'univers. Évidemment, ce qu'on peut faire à partir de nos mesures dynamiques, c'est estimer quelle devrait être la densité de cette matière noire dans notre environnement immédiat. Mm-hmm. Donc c'est à peu près une demi-fois la moitié de la masse du proton par centimètre cube. Et donc à partir de là, on peut se dire, s'il y a quand même une toute petite interaction que la plupart de ces modèles prédisent entre ces particules et des particules du modèle standard, des particules de matière ordinaire, eh bien on devrait détecter un certain nombre de collisions. Évidemment pas beaucoup, mais une collision devrait arriver de temps en temps. Et donc on a mis en place toute une série d'expériences, de détection directe de cette matière noire, qui sont de formidables expériences, qui font vraiment avancer notre compréhension du problème, ou plutôt notre incompréhension du problème, puisque aucune détection n'a eu lieu dans ces grandes expériences de détection directe de la matière noire, qui sont en place depuis plusieurs dizaines d'années. Il y a d'autres candidats, comme vous l'avez dit, ça pourrait être des trous noirs primordiaux. Alors là, c'est une possibilité qui n'est pas encore totalement exclue, mais la fenêtre est vraiment très très étroite. Ça peut être soit des trous noirs très peu massifs, soit des trous noirs de quelques dizaines de fois la masse du Soleil qui peuvent échapper aux contraintes. Mais la plupart des masses de trous noirs qui pourraient représenter la matière noire sont exclues également par les observations. Et puis si je peux revenir sur ce que disait Gabriel, bien sûr, je vous en prie. Juste avant, ce qui est vraiment impressionnant effectivement dans le succès de Monde, c'est que Monde explique, à partir de la distribution de la matière ordinaire dans les galaxies, quelle est la quantité de matière noire à laquelle on s'attend dans les galaxies. Ce qui, dans le cadre standard, peut éventuellement s'expliquer, notamment par les effets de rétroaction, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie qui va être réinjectée dans le système, et vous allez avoir des modifications de la distribution de la matière noire dans le système qui peuvent à peu près coller aux observations, mais jamais avec une finesse aussi extrême que dans les observations de Monde. En réalité, le succès de Monde, en tant que tel, peut être considéré comme une forme d'anomalie du modèle standard. C'est-à-dire que Monde nous dit que la matière visible seule peut déterminer quel champ gravitationnel dans une galaxie. Alors, je vous interromps, Benoît Famet, parce que on parle de Monde beaucoup, mais en fait, il va falloir à un moment donné prendre le temps, et le temps avance déjà assez cruellement, pour définir exactement de quoi il s'agit, de quoi on parle, de quoi parle exactement Morday Milgrom dans son papier, lorsqu'il parle de modification of the Newtonian dynamic, donc de modification de la dynamique newtonienne. Qu'est-ce que c'est que cette théorie Monde, et qu'est-ce qu'elle a à voir avec les lois de Newton, et à quel endroit exactement, finalement, de l'observation cosmologique, on commence à pouvoir, en tout cas, elle s'applique de manière assez solide, justement, à ces effets gravitationnels. Je vous laisse expliquer ça, Benoît Famet. Oui, alors, donc l'idée, c'est que l'accélération, comme je le disais tout à l'heure, l'accélération gravitationnelle en physique newtonienne tombe comme 1 sur la distance au carré. Donc elle décroît comme 1 sur la distance au carré par rapport à l'objet attractif. Eh bien, l'idée de Monde, elle est toute simple, c'est que à partir d'une certaine accélération très faible, comme le disait Gabriel, de l'ordre de 100 milliards de fois moins que l'accélération gravitationnelle que la Terre exerce sur nous, eh bien, elle arrêterait de tomber en 1 sur la distance au carré, mais se mettrait à tomber en 1 sur la distance. C'est-à-dire, elle tomberait moins vite que l'accélération gravitationnelle newtonienne. Alors, je vous interromps juste rapidement pour essayer de reformuler ça pour que tout le monde comprenne bien, nos auditrices et nos auditeurs. Ça veut dire qu'en fait, il y aurait un changement de comportement de la gravitation à un endroit donné lorsque finalement l'accélération gravitationnelle devient extrêmement faible. Exactement. Et ce qui est important, c'est que cet endroit donné va changer en fonction du système. C'est-à-dire que dès le moment où on a commencé à observer des courbes de rotation plates dans les galaxies, on s'est demandé, est-ce que la gravitation newtonienne, ou la relativité générale, pourrait arrêter de fonctionner à partir d'une certaine distance? Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas. L'apparition de la matière noire dans les galaxies, elle se fait à des distances très différentes selon les galaxies. Par contre, elle se fait toujours à la même accélération gravitationnelle. Gabriel Chardin, un mot pour peut-être réexpliquer exactement, pour donner une autre voie, pour expliquer comment on peut imaginer, surtout peut-être ce qui est plus difficile à concevoir pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est comment on peut imaginer que la matière noire ou l'effet de la matière noire n'est pas systématique ou n'est pas égal à tous les endroits de la galaxie ou de l'espace. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai passé une vingtaine d'années de ma vie à chercher cette matière noire et on a monté l'expérience Edelweiss avec une soixantaine de personnes qui a été à un moment donné, pendant quelques années, l'expérience la plus précise au monde pour chercher ces particules supersymétriques. On était les premiers un peu pénétrés dans cette zone où on pouvait s'attendre à voir des particules et, comme l'a dit Benoît, on n'a rien trouvé. Et depuis, les gens ont fait des gros progrès. Moi, j'ai arrêté en 2005 de travailler sur cette question pour passer à autre chose, c'est-à-dire notamment de la cosmologie. Les expériences, notamment de ma collègue Elena Aprile, italienne, italo-américaine, ont gagné encore un facteur 1000 en sensibilité, typiquement par rapport à ce qu'on avait réussi à faire, et toujours rien trouvé. Donc, il faut chercher autre chose, tester. Donc, les gens qui cherchent toujours ces particules, ils sont nombreux. Hein, il y a toujours, ça déclenche d'ailleurs l'ironie de Jean-Marc Bonibideau qu'on a cité tout à l'heure. Mais je pense que c'est ça la science. C'est-à-dire qu'on cherche, tant qu'on n'a pas trouvé quelque chose de solide et d'extrêmement cohérent, on teste, on essaye de découper en morceaux, comme vous disiez tout à l'heure. Et c'est ça la démarche. Après, si on est guidé par une forme, c'est un petit peu le défaut de monde pour moi, c'est-à-dire que c'est assez phénoménologique. On a du mal à trouver une théorie. Or, on en trouve certaines qui marchent pas mal, mais leurs expressions relativistes, en général, elles ont quand même un petit défaut dans les coins qui font qu'elles ne sont pas tout à fait convaincantes encore. Ça viendra peut-être. On peut préciser peut-être d'ores et déjà, et on verra quels sont les endroits où cette théorie monde fonctionne admirablement bien, quels sont les endroits où ça pose problème, où elle fonctionne moins bien. Ce que l'on peut peut-être préciser, et ce qui est évidemment l'un des problèmes de cette théorie monde Benoît Fahmet, c'est que puisqu'on parle d'endroits où l'accélération gravitationnelle est extrêmement faible, il est aujourd'hui strictement impossible d'imaginer des expériences observationnelles ou en tout cas des tentatives de mise en expérience sur Terre, encore moins dans notre système solaire. Pour donner un exemple, là où Voyager 1 et Voyager 2 qui ont franchi a priori l'héliopause, qui sont donc très très loin, qui se sont éloignés, qui sont les objets humains les plus loin que l'on ait envoyés dans l'espace, eh bien à l'endroit où ils se trouvent, l'attraction gravitationnelle est encore 1000 fois trop importante pour pouvoir tester les niveaux auxquels s'appliquerait la théorie monde. Exactement, c'est tout le problème. C'est extrêmement compliqué à tester en laboratoire, voire impossible à tester en laboratoire, précisément pour quelque chose dont on va peut-être parler après, qui est le fait que le principe d'équivalence fort, qui est un des piliers de la relativité générale, est brisé en monde, et que si vous êtes dans un référentiel en chute libre dans un champ gravitationnel plus intense que cette accélération gravitationnelle à zéro, eh bien vous ne pouvez tout simplement pas tester la théorie, parce que la théorie prédit que vous allez avoir un comportement newtonien, y compris en dessous de cette accélération gravitationnelle à zéro. On va continuer à parler de cette théorie monde. Vous allez voir que ça n'est pas la seule théorie qui a été développée pour tâcher de se substituer au problème de la masse manquante. On va continuer à en parler, bien ce sera dans quelques instants. Revenir comme écume sur les château de sable. Les Sables d'Olonne d'Alexandrie à 16h35 sur France Culture, toujours en soutien, comme tous les jours dans notre émission depuis un petit bout de temps maintenant, à la scène musicale indépendante française. Nous parlons de la théorie monde pour Modification of the Newtonian Dynamic, la modification de la dynamique newtonienne, une théorie qui propose de ne pas avoir à en passer par la masse manquante, par la matière noire pour comprendre le fonctionnement de l'univers. Nous en parlons avec Benoît Famet qui est astrophysicien, directeur de recherche CNRS à l'Observatoire Astronomique de Strasbourg, et Gabriel Chardin qui est physicien, directeur de recherche CNRS au laboratoire Astroparticules et Cosmologie à l'Université de Paris. Comme je le disais il y a quelques minutes, il n'y a pas que la théorie monde pour tâcher de remédier donc à ce problème de la matière noire. Il y a une autre théorie sur laquelle d'ailleurs vous travaillez, Gabriel Chardin. On parle de l'univers de Dirac-Milne qui se passe également de l'énergie noire, pas que de la matière noire, énergie noire moins et matière noire moins énergie noire, via l'action de l'antimatière. C'est l'objet de notre reportage du jour, en quête d'une preuve expérimentale de cet univers de Dirac-Milne au laboratoire Kessler-Brossel de Sorbonne Université. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, au LKB, oui, on prépare des expériences pour comprendre comment de l'antimatière se comporte dans un champ de gravité. Car jusqu'ici, on ne sait pas dire comment une particule d'antimatière tombe dans un champ de pesanteur. Une des hypothèses de ce modèle théorique est que l'antimatière possède une masse négative et par conséquent induirait une gravitation répulsive et non attractive comme les particules de matière classique. Cette idée serait tout à fait compatible avec la relativité générale et si elle est avérée, elle pourrait expliquer in fine pourquoi la vitesse des étoiles lointaines du centre de la galaxie serait si faible. L'expérience internationale GEBAR, menée par le CERN avec le LKB notamment, a pour objectif d'apporter une telle preuve. J'y ai retrouvé Laurent Illico et Pierre Cladet qui travaillent sur les dispositifs qui vont permettre pour la toute première fois d'observer comment de l'antihydrogène se comporte dans un champ de gravité. Alors c'est les expériences que l'on mène, elles utilisent des ions béryllium piégé dans un système d'électrodes et refroidi avec des lasers. Et ces ions béryllium refroidis, c'est un outil en fait que l'on utilise pour faire de la spectroscopie d'un autre ion, un ion moléculaire H2+. Donc ça, c'est ce que l'on fait à Paris. Et ces ions béryllium, ils sont également utilisés pour prévoir des expériences de refroidissement d'un ion antimatière, celui qui sera utilisé dans le projet GEBAR, qui est l'ion H-bar+. Donc là, maintenant, on se dirige vers la salle d'expérience dans laquelle il y a une expérience qui permet de refroidir les atomes, les ions de béryllium. Là, il y a un barouf pas possible, je suis désolé. Donc là, on est devant les pièges à ions. Donc il y a la seule façon qu'on a d'interagir avec les atomes, c'est avec des lasers. Puisque les atomes en fait sont dans une énorme enceinte sous vide pour éviter les collisions avec un gaz extérieur. Et donc il y a tout autour de cette enceinte sous vide, il y a beaucoup de lasers qui sont contrôlés très précisément en fréquence, c'est-à-dire la couleur du laser est très précisément contrôlée, afin de pouvoir agir sur les atomes, les pousser, les ralentir, les refroidir, les piéger. C'est comme ça qu'on les contrôle en fait. C'est avec des lasers que l'on peut contrôler les atomes qui sont dans ce piège sous vide. Ok, donc là vous faites les réglages. Oui, alors là, j'ai allumé pour vous montrer le laser de refroidissement du béryllium. Il est d'un magnifique rouge, comme vous pouvez le constater. Vous avez devant vous ce cylindre en métal avec, vous pouvez voir, plein de fenêtres tout autour. Donc le piège à ions, il est centré à l'intérieur de cette enceinte. Vous pouvez en voir une photographie ici. Et sur tout le tour du cylindre, il y a des fenêtres de quelques centimètres de diamètre qui nous permettent de faire rentrer les différents faisceaux laser qui vont interagir avec les ions. Alors dans le cadre de cette expérience, il y a seulement un laser qui soit de couleur visible, les autres sont soit ultraviolets, soit infrarouges. Donc là, vous pouvez voir ce laser à 626 nanomètres. Et comme vous pouvez le voir, il y a un ensemble de miroirs et de lentilles qui conduisent le faisceau ici dans cette boîte. Alors elle est noire, mais ce n'est pas une boîte noire. C'est une cavité en anneau de doublage. Alors à l'intérieur, il y a un cristal non linéaire qui s'appelle du BBO. Et ce cristal, il a la propriété de pouvoir transformer la lumière rouge à 626 nanomètres en lumière ultraviolette à 313 nanomètres. Et cette lumière ultraviolette, donc on ne voit pas, c'est elle qui est capable de refroidir les ions béryllium. Et ce sur quoi on travaille ici à Paris, c'est sur finalement les protocoles qui vont permettre de capturer, de refroidir l'ion antimatière et avant de pouvoir... à la fin de l'expérience, le neutraliser pour qu'il puisse devenir neutre et tomber dans le champ de gravité terrestre. Donc, d'un point de vue expérimental, vous contribuez bien à la mise en place de ces expériences qui visent à étudier l'antihydrogène dans un champ de pesanteur. Oui, tout à fait. On contribue à préparer ces expériences, donc en mettant au point les protocoles qui devront ensuite être déployés au CERN. Ce qu'il faut savoir sur l'expérience GEBAR, c'est que c'est le point le plus crucial. C'est d'abord de réussir à fabriquer cet ion d'antimatière H-bar+, c'est-à-dire un antiproton et deux antiélectrons, deux positrons. Ça n'a jamais été fait. Donc ça, c'est vraiment le premier point de cette expérience, fabriquer cet anti-ion. Mais l'antihydrogène étant neutre, on ne peut pas utiliser les techniques que Laurent vient d'expliquer pour le refroidir. Et donc, on rajoute un autre antiélectron. Donc ça va faire un système de un antiproton et deux antiélectrons. Qui lui sera chargé, qui aura une charge positive. Mais ensuite, le problème, c'est que si on veut mesurer la gravité, on ne peut pas le faire avec une particule chargée, parce que les forces électriques sont des ordres de grandeur plus importantes que les forces de gravité. Et donc, la dernière étape de l'expérience va consister à enlever un des antiélectrons pour avoir à ce moment-là un antiatome d'hydrogène froid. Et là, on va le laisser tomber, simplement dans le champ de gravité terrestre. Donc c'est l'attraction de la matière, la Terre, et à ce moment-là, on va mesurer la position et le temps de chute pour pouvoir après revenir à la valeur de la gravité sur l'antimatière. Je voulais rebondir sur un point qui peut paraître étonnant. Pour l'expérience de chute libre, on va disposer d'un unique atome d'antihydrogène. C'était extrêmement peu de matière, une seule particule. Et la question... c'est de savoir, mais comment on va faire pour voir qu'elle est tombée? Et là, on a la grande chance de pouvoir utiliser l'annihilation de l'antimatière. Et ça, il y a énormément d'énergie, en fait, dans cette annihilation. Donc c'est ça qu'on mesure. Et voilà, c'est ça qu'on mesure. Donc, lors de l'annihilation, il y a l'antiproton et la matière qui s'annihile avec. Ça va produire une gerbe de pions, si j'ai bien compris. Et le passage du pion chargé, ça laisse une trace. Et cette trace, elle peut être détectée électroniquement. Et ensuite, il y a des algorithmes de reconstruction des trajectoires des pions. Et l'intersection des trajectoires des pions, eh bien, ça nous dit là où l'antiatome s'est annihilé. Donc ça permet comme ça de reconstruire l'endroit où l'antihydrogène est tombé. Voilà des tentatives expérimentales à la recherche de ce modèle de Dirac-Milne. Je vais vous demander évidemment une réaction, Gabriel Chardin. Je les connais bien, hein, parce qu'en fait, jusqu'au milieu des années 90, les gens cherchaient à mesurer l'action de la gravitation sur les particules chargées. Et à cette époque-là, avec Daniel Estève, Michel Devoret et Vincent Bouchard, on a démontré pratiquement que c'était impossible. Mmh. Et en particulier avec l'expérience historique de Fairbank, qui prétendait avoir mesuré la masse gravitationnelle de l'électron, était probablement totalement, atrocement fausse. Donc à partir de ce moment-là, il y avait dans la salle Jørgen Vals qui travaille avec le prix Nobel Theodor Hensch. Et je ne sais plus combien, mais 2 ou 3 ans plus tard, ils sont revenus avec la méthode utilisée aujourd'hui par le LKB, le laboratoire Kastler-Brossel, pour fabriquer de l'antihydrogène très très froid, en passant par cet ion, c'est-à-dire cette particule chargée, mais que l'on refroidit à extrêmement petite température, hein, de l'ordre de 10 millionièmes de degré absolu. Donc à ce moment-là, ils vont plus qu'à peu près 1 mètre par seconde et ils peuvent sentir la gravitation. Et on arrache le deuxième électron anti-électron dont ils ont parlé par un petit coup, mais horizontal, pour pas perturber la vitesse le long de la force de la gravitation. Donc c'est des expériences extrêmement belles et qui durent depuis très longtemps. Mais je pense que quand le CERN redémarre fin août, ils vont être assez rapidement dans les conditions où ils vont pouvoir le mesurer. Donc c'est passionnant. Oh, un mot peut-être, Benoît Fameys, sur ce plus généralement, sur ce reportage si vous le souhaitez, mais plus généralement sur ce MODEC de Dirac-Mine. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en deux mots et expliquer par quelle théorie, par quel postulat il permet de se passer non seulement de la matière noire, mais également de l'énergie noire? Alors là, je parlerai sous le contrôle de Gabriel, bien sûr, qui est un spécialiste de ce modèle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se retrouver avec de l'antimatière qui serait en fait située dans les vides cosmiques entre les structures. Et cette antimatière, si vous voulez, en poussant sur la matière aux confins des galaxies, pourrait en fait de façon effective rajouter une accélération gravitationnelle vers le centre de la galaxie, qui pourrait être précisément ce qu'on attribue généralement à la matière noire. Et donc ça pourrait effectivement nous donner une alternative à l'explication habituelle qui est que les galaxies sont entourées de halos de matière noire. Alors évidemment un risque, c'est que le même type de problème que ceux qui sont rencontrés par le modèle standard se pose à l'échelle des galaxies. Pourquoi une relation si fine entre la distribution de matière visible et le champ gravitationnel? Je sais que Gabriel est en train de travailler sur cette question, c'est une question qui reste ouverte évidemment. Gabriel Chardin. Eh bien, oui, comme l'a dit Benoît, c'est en cours et on fait des simulations et ce qu'on trouve a l'air d'être assez encourageant, mais effectivement, on ne comprend pas bien à quel point, pourquoi ça marche aussi bien, je dirais, à l'intérieur des galaxies. Donc, il faut qu'on améliore dans les mois qui viennent nos simulations pour le moment, quelque part, paradoxalement, on utilise des galaxies qui sont totalement constituées de fausses matières noires, c'est-à-dire de matière qui n'a pas d'interaction avec elle-même. Et donc, il y a des limitations avec notre description. On n'arrive pas à décrire correctement pour le moment les galaxies spirales, là où on voit le mieux l'effet monde. Une fois qu'on aura cette simulation, je pense qu'on aura des idées plus claires, même si les premiers résultats sont quand même assez encourageant et le champ correctif de l'antimatière, il est quand même extrêmement proche du champ de monde. Et il agit vraiment de façon très cohérente, c'est-à-dire il agit toujours dans le bon sens, quoi, et de façon assez étonnante. Alors, on va pas avoir le temps de trop rentrer dans le détail, même si c'est effectivement passionnant et je pense que ça mériterait une émission à elle seule. Peut-être la seule question qui est toujours moi, ma question de béotien par rapport à cette théorie selon laquelle finalement il pourrait y avoir ces poches hein, d'antimatière dans des vides galactiques ou intergalactiques, c'est ça ne pose pas le problème d'une frontière qui serait du coup perceptible, d'une frontière d'annihilation entre matière et antimatière à partir du moment où ces blocs d'antimatière seraient finalement entourés de matière. Gabriel Chardin. Eh ben, en fait, donc le système analogue qui représente un peu le fonctionnement de ce qu'on cherche, il existe dans la nature. C'est le système qui avait été proposé par Paul Dirac, le prix Nobel, avec l'électron, la particule de masse positive pour la particule et un trou, un manque d'électrons pour l'antiparticule. Et si on applique ça à la gravitation, et ça existe dans des objets que l'on connaît, qui sont les semi-conducteurs, où il y a ces électrons et ces trous qui sont deux porteurs de charge avec, quelque part, la particule et son antiparticule. L'antiparticule, là, le trou, le manque d'électrons, il pèse moins que le vide, quelque part. Hein. Et eh bien, quand on met un champ de gravitation, les deux se séparent, comme avec un champ électrique. Mmh. Et donc, il y a une zone vide entre les deux, ce qu'on appelle une zone de déplétion. Une zone vide qui empêche, dans la majorité des cas, effectivement pas toujours, si vous avez un gros trou noir qui envoie un grand jet de matière, une fois de temps en temps, ça va faire une rencontre avec le nuage d'antimatière qui est au-dessus, assez loin quand même, hein, de l'ordre de quelques dizaines à centaines de milliers d'années-lumière souvent, pour les galaxies massives, et ça va faire de l'énergie, ça va faire des sursauts gamma. Mais dans la situation normale, non, ça ne rentre pas en contact. Alors j'aimerais qu'on revienne, et encore une fois, merci pour ces précisions Gabriel Chardin, mais je pense qu'une fois de plus, ce modèle cosmologique de Dirac-Milne mériterait vraiment qu'on prenne le temps de détailler, de s'y attarder, parce qu'effectivement il est assez passionnant. Revenons au thème central de notre émission, à savoir la théorie monde. J'aimerais vous faire réagir sur quelque chose d'assez passionnant. Alors c'est peut-être un peu pointu et un peu complexe, mais je pense que ça vaut vraiment le coup qu'on s'y arrête quelques minutes. Benoît Famet, sur une publication dans The Astrophysical le journal de novembre dernier, qui est co-signé d'ailleurs par Stacey McGough, qu'on entendait au début de cette émission, qui montre que sur 153 galaxies, on a pu détecter ce qu'on appelle un effet de champ externe, et ce qui serait finalement une signature unique de monde qui ne se produit justement pas dans la gravité type Newton-Einstein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer succinctement de quoi il s'agit et pourquoi c'est important pour la théorie monde ? Alors, donc, dans le cadre de monde, comme on l'a dit, tout se joue en termes d'accélération gravitationnelle. Et donc, se pose la question, accélération par rapport à quoi ? Et donc, dans le cadre des théories monde, y compris des théories relativistes, on va se retrouver avec des théories qui ont un référentiel privilégié, qui permet de mesurer, par rapport à ce référentiel, l'accélération. Et donc, il se trouve que, dans le cadre de monde, du paradigme monde en général, quand on a un système qui est en chute libre gravitationnelle dans un autre système, eh bien, sa dynamique interne est affectée par l'intensité de ce champ gravitationnel externe dans lequel il est en train de tomber. Alors dans le cas standard, dans le cas de la relativité générale, c'est un principe fondamental de la relativité générale qui s'appelle le principe d'équivalence fort, et qui est que si vous êtes dans un champ gravitationnel constant, attention, si le champ gravitationnel n'est pas constant, vous allez avoir des effets type effet de marée, et si vous tombez en chute libre dans un champ gravitationnel qui est à peu près constant, pour un référentiel dans lequel vous vous placez qui est tout petit, eh bien, normalement, toutes les expériences doivent être les mêmes, indépendamment de l'intensité de ce champ gravitationnel dans lequel vous êtes en train de tomber. Et donc ça, c'est une différence fondamentale entre le paradigme monde de manière générale, quelle que soit la théorie qui le sous-tendrait, la théorie de modification de la gravitation type monde, prédit qu'il faut briser le principe d'équivalence fort, et que donc l'accélération gravitationnelle va dépendre du champ gravitationnel dans lequel le système est immergé. Mmh. Alors, ce que Stacey McGough dit avoir détecté, c'est quelque chose, en fait, sur lequel j'avais déjà travaillé avec un collègue de l'Observatoire de Paris, Aurélien Hesse, il y a 5 ans, où on se rendait compte qu'en ajoutant comme paramètre l'accélération gravitationnelle dans lequel une galaxie est immergée, eh bien, on améliorait l'ajustement des cours de rotation. Donc, il semble on vous a pas bien entendu. On améliorait quoi précisément? L'ajustement des courbes de rotation. Des courbes de rotation, ok. Voilà, dans le cadre de monde. Alors, Stacey McGough a reproduit une étude similaire, avec des données de meilleure qualité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il semble trouver un début de corrélation entre l'accélération gravitationnelle externe dont il a besoin pour ajuster la courbe de rotation. C'est-à-dire qu'il dit « je ne connais pas le champ gravitationnel externe dans lequel cette galaxie est immergée, et je l'ajuste pour que ça reproduise ma courbe de rotation. Et après, il le compare au champ gravitationnel externe dans lequel il semble que cette galaxie soit immergée en regardant son environnement gravitationnel dans l'univers. Et il semble détecter une faible corrélation, ça ressemble plutôt à un patatoïde pour l'instant, mais avec des données plus précises, peut-être que ça va se préciser, mais il semble détecter qu'en tout cas dans les galaxies qui sont immergées dans des champs gravitationnels très intenses, il détecte un effet fort, c'est-à-dire que la courbe de rotation se met à décroître au lieu de rester constante dans les parties externes. Par contre, dans les galaxies qui sont immergées dans un champ gravitationnel très faible, la courbe de rotation a tendance à rester plate. Et ce serait ça donc ce fameux effet de champ externe que a publié Stacy McGo en novembre. Un mot peut-être rapidement là-dessus pour essayer de bien comprendre de quoi il s'agit, Gabriel Chardin. Eh bien, effectivement, donc il y a, on a certaines idées. On a parlé du principe d'équivalence. En fait, donc il y a cette sorte de figure titulaire d'Einstein qui fait qu'on touche pas à cet objet-là. Mais on sait depuis le début des années 90 que si jamais on met dans le système des masses négatives, il faut modifier le principe d'équivalence. Et par ailleurs, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à Monde dans la relativité générale, où quelque part Benoît a expliqué que on ne peut pas voir dans la plupart des expériences, on ne peut pas mesurer si on est en chute libre, en free floating, en flottement libre, comme disait Wheeler, pour pas supposer qu'on va chuter nécessairement, on peut pas mesurer le champ de gravitation, on peut mesurer que les effets de marée. Mmh. Eh bien, c'est faux dans le cas, par exemple, des trous noirs. Dans le cas des trous noirs, on peut mesurer le champ de gravitation, et si jamais on a à sa disposition, s'il existe dans la nature des masses positives comme négatives, quand on fait un assemblage entre les deux, on peut aussi mesurer le champ de gravitation. Donc, quelque part, il faut revenir, dès que l'on met ces objets bizarres comme l'énergie noire, c'est de la pression négative. Pression négative, ça veut dire quand vous essayez, ça essaye de ramasser vers vous la pression, ça vous essaye de vous écraser. Ben néanmoins, ça fait exactement l'inverse au niveau cosmologique, ça accélère l'expansion, complètement incompréhensible. Mais, et donc, l'intuition, il faut la combattre. Là. Mais Gabriel Chardin, sur le principe d'équivalence, et ce sera malheureusement le mot de la fin parce qu'on arrive au terme de cette émission, ce principe d'équivalence, il a été testé expérimentalement, ça fait des années qu'on cherche à le mettre, à le prendre en défaut des échelles de précision extrêmement forte, extrêmement avec énormément de précision, et jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, il n'a jamais été pris en défaut, il a toujours été confirmé expérimentalement. Tout à fait, mais on n'a jamais testé dans le domaine qui est quelque part renversé dans le temps, qui est l'antimatière. L'antimatière est vraiment quelque chose complètement différent. Il est au-delà de la vitesse de la lumière. On a renversé le temps. On est allé vraiment au-delà. Et donc, on n'a jamais testé. Et la première fois qu'on va le tester, il y a eu un essai en 2013 par l'expérience Alpha. Mais quand ça redémarre à l'automne, au CERN, je pense qu'il y aura une des trois expériences qui font ça. Il y a quand même à peu près entre 150 et 200 physiciens qui sont impliqués dans ces trois programmes, qui devraient y arriver assez rapidement. Merci beaucoup à tous les deux. On n'aura pas eu le temps de parler du troisième pic du fond diffus cosmologique, qui était un autre caillou dans la chaussure de cette théorie monde, mais on aura certainement l'occasion d'y revenir dans une autre émission. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, Benoît Famet et Gabriel Chardin, d'être venus nous parler de cette théorie monde. Un mot, si vous ne nous suivez pas sur Twitter, ça a apparemment déchaîné les passions tout au long de l'émission, mais il est vrai que le 4 février prochain, ce n'est pas jeudi là, c'est jeudi de la semaine prochaine, eh bien, une invitée, on va dire, que nous sommes très très fiers d'avoir réussi à décrocher, sera dans la méthode scientifique. Les paris sont ouverts, c'est quelqu'un de renommée internationale qui va nous faire le plaisir de passer une heure avec nous et avec vous. Allez, les paris sont ouverts, vous pouvez nous écrire à qui vous pensez sur notre compte Twitter, @laméthodefc. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, à Étienne, Céline Lozen, Nomina Guetzin-Vulfran, Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Alexandre Morales, Olivier Bétard à la réalisation, Swat Boukorski ça, la technique. Demain, nous parlerons militaires, nous parlerons armées, nous parlerons précisément des militaires ou des soldats augmentés. Jusqu'où peut-on améliorer le soldat du futur? Est-ce que Robocop, c'est OK ou pas OK, que c'est un petit peu trop? On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.